liberté, on pour aller butiner d'autres flèches. Où t'es juré, ça pas t'es périvé. Mais c'était l'orgueil qui t'es qu'à faire au garé chimère. Mais depuis des 3 jours, il quarante. Mais depuis des 3 jours, ou qu'à venir fou. Alors que comprendre l'amour.